d'abord. Avant de faire de la musique, c'est la sincérité qui parle. Grande dédicace à toutes ces dames. Et l'enfant donne l'amour à la prunelle de ses yeux. Pour être parent, faut être deux. Seule à faire le rôle du père, de la mère. Elle se bat pour la chair de sa chair. Elle se prive pour remplir le frigidaire. Rigide son caractère, elle en a bouffé de la poussière. Un destin difficile quand elle-même n'a plus de repères. Du respect pour ces femmes, ces grandes dames qui résistent. Le père a l'attitude d'un salaud qui se défile. Ou un manque de chance pour un père qui décède. La vie ne tient qu'à un fil, la vie c'est quoi? One love à ces dames, faites le L pour l'amour. Quelques mesures de pureté pour ces belles dames. One love à ces femmes, faites le L pour l'amour. Oui, du respect pour ces femmes seules. One love à ces femmes, faites le L pour l'amour. Du respect pour ces femmes seules. Mes écrits sont nourris par ces larmes tragiques. Quand elles n'ont plus la force de refaire leur vie, je me dis que la vie n'est pas si magique. Petit frère, n'attend pas qu'elles en aillent pour lui dire je t'aime. Une femme reste une douceur universelle. Attristé de voir que se répètent les scènes. Au 21e siècle, de plus en plus de femmes ont le cœur qui saigne. Où est passé le principe d'une relation saine? En 2013, les parents isolés devenus un rituel. Les gosses trinquent, laissent leur haine exploser dans des ruelles. One love à ces dames, faites le L pour l'amour. Quelques mesures de pureté pour ces belles dames. One love à ces femmes, faites le L pour l'amour. Oui, du respect pour ces femmes seules. One love à ces femmes, faites le L pour l'amour. Du respect pour ces femmes seules. J'ai décidé d'arrêter de rapper ce texte. Je préfère vraiment mettre le message en avant. Prenez soin de vos femmes, que ça soit votre mère, votre sœur, celle que votre cœur a choisie. Je peux plus compter le nombre de femmes qui élèvent leur enfant seul. Combien se trouvent au pied du mur, combien pleurent en silence, combien encaissent les duretés de la vie. Je dédicace ce titre à toutes ces femmes, à toutes celles qui se battent, qui maintiennent le cap, qui éduquent leur enfant seul. One love à ces dames, faites le L pour l'amour. Quelques mesures de pureté pour ces belles dames. One love à ces femmes, faites le L pour l'amour. Oui, du respect pour ces femmes seules. One love à ces femmes, faites le L pour l'amour. Du respect pour ces femmes seules. Bien. Chaque acte a une conséquence. One love à ces dames. Yeah.